arriver. Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'll be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. It's going to be a good show because the countdown towards CHRY's fundraiser has begun. And this year, we're adopting the theme of sound around the city because we are the sound that surrounds the city. We got the fingers on the pulse of Toronto and the surrounding area. And that's exactly what we're going to be aiming for today. We're going to be feeling your pulse. And we're going to be playing music that you love, that your heart tells us to play. So stay tuned. It's going to be a good show. Salut, salut tout le monde. Vous écoutez Sous Pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé l'émission avec le groupe français de la Bretagne. C'était Scotland Panic People avec Pour nos frères, tiré de leur plus récent album Lâcher les bombes. Et cette semaine, on se prépare pour la période de financement, la campagne de financement de CHRY qui commence le 12 octobre et continue pour 10 jours jusqu'au 22 octobre, alors du 12 au 22. Et c'est la période de l'année où on vous demande, chers auditeurs et auditrices, de nous aider, d'appuyer la radio communautaire et les médias indépendants en faisant une contribution financière, parce que on n'est pas CHRY, c'est une station de radio à but non lucratif. On fait pas de profit, on n'est pas ici pour faire de l'argent, on est ici pour faire de la radio et encourager les artistes indépendants et de vous présenter des points de vue alternatifs qu'on n'entend pas souvent dans la radio, à la radio commerciale ou à la télévision commerciale. Alors, la campagne de financement commence dans 2 semaines. J'encourage de commencer à économiser vos sous, épargner votre argent. Comme j'ai dit dans les dernières semaines, je vous encourage de retourner vos bouteilles vides si vous en avez, soit au dépanneur ou au beer store, pour faire un peu une coupe de sous pour aider les médias indépendants et la radio communautaire et appuyer CHRY. Et pour vous encourager à faire ça, à appuyer sous pression en particulier, cette année, je vous présente à ceux et celles qui feront un don à sous pression de 20$ ou plus. Je vais vous envoyer un disque, un CD, une compilation de groupes que je fais jouer ici en ondes, des groupes à date. On a 10 groupes de confirmés. Il y a du Hard Times, il y a l'équipe, il y a Marabouts, il y a l'Escalope parmi les groupes qui seront sur la compilation. Je vais en faire jouer une couple de chansons par des groupes qui seront sur la compilation un peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, je vous présente du Jeunesse Apatride. Alors, voici Dragon de Fer par Jeunesse Apatride ici à sous pression à CHRY à Toronto et CVR à Yellowknife. Sure. Hey, this is the Ocean Band, all the way from Singapore, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression, nous sommes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Alors, dans le dernier bloc, on vient d'écouter du Breastfeeders, la chanson « Danser sur ma tombe » tirée de leur plus récent album « Dans la gueule des jours », sorti au mois de mars de cette année, de 2011. Les Perrier avancent avec « Protéger vos yeux de cette lumière » et on a tout commencé avec Jeunesse à Patrick et « Dragon de fer » de leur album « L'arme au poing ». Je continue maintenant avec une chanson par un groupe français, le groupe qui s'appelle « Charlie Fiasco ». Bon, je m'assure que je joue la bonne chanson. Charlie Fiasco, de leur plus récent album, il me semble que c'est leur plus récent album, « Un brin d'essence dans la déroute ». La chanson « Anesthésie culturelle » s'est sortie sur Guerilla Assault, la compagnie, le label français qui sort beaucoup de groupes punk rock ces jours-ci, tels que Guerilla Poubelle, bien sûr, Maladroit, Justine. Et Justine a passé un nouvel album. Ça vaut la peine de l'écouter si vous faites une petite recherche sur Internet, Justine Bandcamp. Il y a un site Bandcamp. Il y a quelques chansons en ligne que vous pouvez écouter. C'est un bon album, ça vaut la peine d'écouter. Je pense que les extraits qui sont disponibles sur le site web sont bons. Mais c'est ça, Charlie Fiasco, la chanson Anesthésie culturelle. J'ai une couple de chansons par des groupes de Guerilla Assault qui seront sur la compilation que je vous offre, que j'offrirai pendant la période de financement de CHRY à ceux et celles qui font un don de 20$ ou plus pour aider Sous Pression. Si vous aimez ce style de musique-là, j'encourage fortement à considérer de faire un petit don de 20$ ou plus à Sous Pression pour aider la radio communautaire. Alors voici Charlie Fiasco, Anesthésie culturelle ici à Sous Pression. J'ai construit toute ma vie sur une chanson populaire. Consommer mon existence comme si j'étais un papier par terre. Je t'aime, même qui sait pas. J'ai choisi d'être le fou plutôt que le soldat. J'ai façonné tous mes goûts dans un tube catholique. Déclaré mes plus belles flammes sur un succès radiophonique. Et les filles dont je rêve sont celles avec qui tu dors. Mais c'est le pour qui je crève. Anesthésie. Salut. J'ai allumé le mauvais microphone. On vient d'écouter l'équipe. Là, j'ai l'air d'un cap. On vient d'écouter l'équipe, la chanson Bat de Baseball, tirée de leur premier EP. Ben, en fait, ils ont sorti un démo l'année passée, mais leur EP est sorti récemment, déclaré forfait. Le groupe composé de membres de plusieurs autres groupes comme les Sprats, Bonne Journée et les Prostituées. Les Vulgaires Machins avant ça avec un vote de moins parce que c'est la semaine des élections provinciales. Fallait que je le fasse. Les Ordures Ioniques avec la paix publique. Et on a commencé tout le bloc avec Charlie Fiasco et Anesthésie Culturelle. Et en parlant de l'équipe, c'est une de leurs chansons de leur nouveau EP déclaré forfait sera sur le CD de compilation que j'offre à ceux et celles qui feront un don de 20$ ou plus à sous pression pendant la campagne de financement de CHRY qui s'en vient là, du 12 au 22 octobre prochain. Alors préparez-vous et épargnez vos scènes noires, collectionnez-les et préparez-vous à appuyer la radio communautaire et les médias indépendants. Alors on est à moitié chemin là, de l'émission, plus ou moins, et tant que je vous rappelle que, comme je le fais à chaque semaine à cette heure-ci, que l'émission a un site web. Vous pouvez consulter le site web de l'émission. Vous pouvez écouter les émissions gratuitement à chaque semaine à partir du site web. C'est le www.souspression.wordpress.com. www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur Facebook, aimer l'émission comme les gens sur Facebook le font. C'est le facebook.com/souspression. facebook.com/souspression. Et vous pouvez nous contacter par courriel si vous avez des questions, des demandes spéciales, des plaintes ou si vous voulez me dire que je suis fantastique. Vous pouvez le faire en m'envoyant un message sous pression à commercial chry.fm, sous pression à commercial chry.fm. Ça me fait plaisir de recevoir des courriels, que ce soit du monde qui écoute, que ce soit des groupes qui aimeraient faire jouer, que je fasse jouer leur musique en ondes. C'est ça. J'aime ça quand les gens m'envoient des courriels. Ça me donne quelque chose à faire, une distraction. Ça me donne une excuse de ne pas faire mon travail. Alors, donnez-moi une excuse pour ne pas faire mon travail et envoyez-moi un courriel ou un message sur Facebook, facebook.com/souspression. Alors, c'est ça, on a terminé le dernier bloc avec Bat de Baseball par l'équipe. Alors, j'ai pensé, pourquoi pas commencer le prochain bloc avec une chanson des Shérifs à coups de batte de baseball. Alors, ça rentre un peu dans le thème sportif. Même le nom, l'équipe. En fait, les Shérifs, je suppose c'est pas, ça rentre pas dans le thème sportif, mais qu'est-ce que tu veux? Ça l'arrive. En tout cas, voici les Shérifs à sous pression. t'ai parlé. Alors je t'ai parlé de la lutte des classes, de la lutte des classes, de la lutte des classes, de la lutte des classes. Alors je t'ai parlé. Affamé mon crew par Bolshoï et de leur album éponyme, c'est Sous Pression. Notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin, mais on a le temps de faire jouer une dernière chanson. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit retour sur les trois, sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a tout commencé le bloc avec les Shérifs à coups de batte de baseball, l'escalope après ça avec Camisole de leur album Yavendra mes tourneaux. Les escalopes seront sur la compilation de soutien de CHRY Grec et que je donnerai à ceux et celles qui feront un don de 20$ ou plus pendant la période de financement de CHRY Grec du 12 au 22 octobre. Hard Times après ça, avec Nos Règles, Hard Times aussi sur la même compilation. Zabriskie Point avec Lutte des classes, Corgan Fest avec Terre de feu de leur album La Victoire en chantant, Gerbia avec Brut et Pais, et comme je dis, on vient d'écouter Bolshoï, Ma famille, mon crew. Alors je vais terminer avec une dernière chanson par les partisans de leur album Sono Mondial, la chanson Rien à perdre. C'est une excellente chanson par un excellent groupe sur un excellent album. Mais je vous rappelle que vous pouvez visiter le site web de l'émission sur le www.souspression.wordpress.com pour plus d'informations concernant l'émission, la station de radio, le punk francophone en général et aussi les façons dont vous pouvez faire une contribution financière à CHRY Grec et aider la station à continuer à diffuser. Je vais mettre l'information concernant la période de financement sur le site web et aussi sur le site Facebook de l'émission. C'est facebook.com/sous-pression. Alors, je vous laisse, mesdames et messieurs, avec rien à perdre par les partisans. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine.